vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Vous l'avez peut-être lu ou entendu récemment que selon une étude médicale, la pilule contraceptive augmente de 20% le risque de contracter le cancer du sein. Alors, donnée sans plus de nuances, cette affirmation est alarmiste et heureusement, quelques médias ont rectifié le tir. Alors, Valérie nous explique ce qui s'est passé. Oui, alors l'histoire commence le 10 décembre avec un article comme celui paru dans le Journal de Montréal. Le titre est, je le cite, « La contraception hormonale augmenterait le risque de cancer du sein ». Donc, jusque-là, pas de problème. Le journal emploie le conditionnel et dit « augmenterait », donc on reste prudent. Mais là où ça se gâte, c'est dès le chapeau, là, le tout début de l'article, qui est écrit en gras, et qui dit que les femmes qui prennent un traitement hormonal ont 20% de risque de plus de développer un cancer du sein. Donc, 20%, c'est beaucoup, c'est inquiétant, alarmant. À la décharge du Journal de Montréal, il n'est pas le seul à avoir commis cette erreur. On peut citer par exemple Média, Presse, Info qui titre par exemple, donc je cite, pilule, le danger occulté par les médias. Donc c'est vraiment, c'est presque conspirationniste. La RTBF titre également, les pilules contraceptives actuelles continuent de favoriser le cancer du sein. Et RTBF reprenait d'ailleurs un article du New York Times qui avait le même titre en anglais. Et il y en a d'autres dans le même genre. Et la radio, télévision belge, française et le New York Times, eux, est-ce qu'ils rapportaient la nouvelle avec plus adéquatement ou c'était aussi alarmiste? Non, c'est ça. C'était très. Ben, c'était pas spécialement alarmiste, mais c'était sans nuance. Donc, les lecteurs sont laissés avec ce 20%, puis donc avec qu'est-ce que ça veut dire derrière. Donc, sans plus de nuance, sans explication. Mais comme on dit, Valérie, il n'y a pas de fumée sans feu. Si plusieurs médias en ont parlé, il devait y avoir une étude scientifique à l'origine qui a été publiée? Oui, bien sûr. Donc, et les articles citent cette étude scientifique. Il s'agit d'une étude menée par des chercheurs danois. Elle a été publiée dans la revue New England Journal of Medicine, qui est quand même une revue savante médicale renommée. C'est loin d'être une revue obscure et l'étude en elle-même est sérieuse. Il y a quand même 1,8 million de femmes qui ont été suivies pendant 11 ans. Le problème est que certains journalistes n'ont apparemment pas lu l'article. Bon, on peut comprendre, les articles scientifiques, c'est pas un peu ardu à lire, un peu obscur quand on n'est pas dans le sujet, mais ils n'ont pas lu, ils n'ont peut-être pas non plus fait l'effort de lire le résumé. Et ils ont mal interprété les données. Alors, et c'est exactement ce qui est le problème ici. C'est ça, exactement. Et peut-être que le résumé aussi était trop ardu. Bon, je l'ai lu, il y a quelques chiffres, mais c'est quand même en termes, pas en français parce que c'est en anglais, mais en termes courants, c'était quand même assez compréhensible. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du sujet pour comprendre le texte, mais il faut savoir interpréter des pourcentages et des nombres. Donc, il faut se questionner à ce moment-là sur la responsabilité du journaliste à relayer une information si le résumé paraît trop obscur pour le journaliste, faut se questionner sur sa responsabilité à relayer une information dans l'espace public si on n'en comprend pas la teneur. Tout à fait. Alors, quelle était en fait cette erreur qu'ils ont tous faite? Alors, j'ai dit tout à l'heure en rapportant le titre du journal de Montréal, le début de cet article-là, ce qui était écrit, c'est que les femmes qui prennent une pilule contraceptive ont 20% de risque de plus de développer un cancer du sein. L'erreur, c'est de ne pas s'être questionné ou de ne pas avoir rapporté à quoi se rapporte le 20%. Et c'est là qu'on voit la différence avec des journalistes scientifiques ou du moins des journalistes qui sont aguerris à traiter des nombres et de traiter de science. Donc plusieurs journalistes scientifiques ont aussitôt réagi à l'article du Journal de Montréal. Je citerai le cas du détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse qui a posé d'emblée la question 20%, mais 20% de quoi? Et le Huffington Post Québec a repris d'ailleurs ce titre et a cité l'article du détecteur de mensonges. Donc effectivement, 20% de quoi? Jean-François Cliche aussi au journal Le Soleil a fait un bon travail. Il intitule son article, donc je cite, « La pilule, le cancer et les joies du risque relatif ». Parce qu'effectivement, 20%, c'est un risque relatif. Donc 20%, comme on le dit, est un risque relatif, mais c'est 20% de quel nombre, en fait? Voilà, c'est ça la question. 20% de quoi? 20% de quel nombre? Eh bien là, dans ce cas-là, c'est 20% en plus du risque de base. Donc, comme l'explique Jean-François Clich, le détecteur de rumeurs, et aussi Marine Cornu à Québec Science, le risque de base de développer un cancer pour une femme qui ne prend pas la pilule est de 55 sur 100 000. Tout ça est écrit dans le résumé de l'article scientifique d'origine. Ce qui est très faible, alors. 55 sur 100 000, c'est ça. C'est pas une grosse incidence. Donc, pour une femme, ça c'est le risque pour une femme qui ne prend pas la pilule. Pour une femme qui prend la pilule, le risque passe de 55 à 68, toujours sur 100 000. Donc, on est toujours quand même à un risque très faible de 68 sur 100 000. Mmh. Et le 20% est là. C'est quand on passe de 55 à 68. 68, c'est 20% de plus que 55. C'est ça. Mais, je le rappelle, on est toujours sur 100 000. Donc, sans prendre la pilule, le risque est de 65 sur 100 000. C'est une femme sur 1818 et c'est 0,055% de risque de développer le cancer du sein. En prenant la pilule, le risque est donc de 68 sur 100 000, soit une femme sur 1815 contre 1818 tout à l'heure, et c'est 0,68% de risque de développer le cancer du sein. Donc on passe d'un risque de 0,55 à un risque de 0,68%. Donc, on parle vraiment de pouillème de pourcent. Oui, effectivement. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est tout simplement 13 cas de plus sur 100 000 femmes. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est moins inquiétant, là. Oui, c'est ça. Ça paraît moins inquiétant. Oui, que le double. On avait un article ou des articles qui parlent de 20%, alors que quand on regarde les nombres absolus, les individus, 55 sur 100 000 ou 65 sur 100 000, on passe à un risque de 0,55% à 0,68%. C'est ça. Ça fait un moins accrocheur aussi pour un article. Tout à fait. Oui, tout à fait. Effectivement. Un peu moins sensationnaliste. Et donc c'est moins inquiétant. Et d'ailleurs, l'article aussi, le résumé de l'article scientifique le disait bien dans sa conclusion. C'était écrit en anglais, mais donc je traduis entre guillemets, là, je cite. Cependant, les augmentations en nombre absolu sont faibles. Donc l'article en lui-même le disait. Et là, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique spécialiste de la question pour comprendre. Cependant, les augmentations en nombre absolu sont faibles. Tout à fait. Et à côté de ce risque mineur, parce que le risque existe quand même s'il est mineur, il existe, il faut voir aussi les bénéfices de la pilule contraceptive. Donc finalement, la morale de l'histoire, pourquoi je voulais revenir sur cette nouvelle qui a déjà été relayée dans quelques médias, c'est que pour avoir une information scientifique de qualité, eh bien, c'est peut-être préférable de suivre les journalistes scientifiques. Ouais, tout à fait, effectivement. Merci beaucoup, Valérie, pour avoir remis les pendules à l'heure.